Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche et appréhender les mutations de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est notre rapport avec le réel, avec l'histoire avec un grand H? Qui est le Jack London russe, notre barbare, notre voyou selon les mots d'Emmanuel Carrère, cette figure du poète soldat, né en Ukraine en 1943, exilé à 27 ans en Occident, retourné en Russie en 1989 après la fin de l'URSS, punk sexy, mais aussi inquiétant combattant dans les guerres des Balkans, aujourd'hui ultranationaliste, un rouge-brun, opposant de Poutine à Moscou. Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature moderne au Collège de France, nous invite à rencontrer dans le cadre de son séminaire, lié à sa série De la littérature comme sport de combat, Emmanuel Carrère, écrivain et reporter passionné, pour évoquer son récit Limonov. Sur son écriture entre littérature et journalisme, Emmanuel Carrère souligne, et je le cite, « Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir écrire un reportage comme je le ferais pour un livre, à la première personne, en tournant autour du pot, en ayant la possibilité de raconter les choses d'une façon un peu sinueuse. » À propos de Limonov qu'il a rencontré, l'écrivain déclare que c'est quelqu'un en qui prend corps la confusion des temps chaotiques où nous vivons. « Le personnage qui m'entraîne me donne l'énergie de propulsion dont j'ai besoin pour explorer l'époque. » Nous poursuivons aujourd'hui l'interrogation du rapport à l'histoire d'une certaine radicalité, les difficultés à appréhender, à comprendre, à dire notre monde, interrogation ouverte cette semaine avec Pierre Auzan-Vallon et sa grande fresque de l'histoire politique et intellectuelle de 1968 à 2018. Et nous poursuivons aussi notre exploration des récits de vie et d'une narration à la première personne qui fait si bien entrer dans la complexité de l'époque et dans ses mutations. Avant de retrouver la guerre littéraire du 19e siècle lundi, je vous propose donc de passer par le séminaire d'Antoine Compagnon qui interroge les rapports entre littérature et journalisme aux côtés d'Emmanuel Carrère le 9 janvier 2018. Aujourd'hui, le premier invité avec qui nous inaugurons ce séminaire est Emmanuel Carrère. Bon, je suis très heureux qu'il ait accepté cette invitation et je voudrais lui dire pour commencer... Pourquoi j'ai eu envie de l'inviter? Pourquoi je voulais qu'il vienne nous parler? Bon, j'ai lu beaucoup de ses livres, hein. J'ai lu beaucoup de ses livres, mais je ne vais pas les énumérer tous, mais je voudrais juste parler de celui qui m'a incité à l'inviter. Je pensais qu'il était parfait pour commencer ce séminaire. C'est Limonov, qui a été publié en 2011... qui a eu le prix Renaudot, qui est un récit, qui n'est pas un roman, je crois, qu'on ne peut pas le définir comme un roman. Bon, c'est une biographie, oui, sans doute. C'est un portrait, hein, on pourrait reprendre le terme de Sainte-Beuve, un portrait d'un personnage tout à fait fascinant et qui me semble... un soldat poète, quoi, dans cette tradition du XIXe siècle. Il est le soldat poète et il revendique d'ailleurs plus ou moins cette... Il revendique les deux titres, absolument. C'est les deux titres, hein. Soldat, trait d'union, poète. Il revendique ces deux titres et donc il me semblait qu'on avait là un bon point de départ pour cette conversation. On peut aller vers beaucoup d'autres choses, parler d'autres livres, d'autres textes, mais Je vous avoue que c'est en raison de Limonov que j'ai voulu vous inviter. Et pour parler de ce modèle du soldat poète aujourd'hui et de ce, peut-être de ce rapport à la guerre des écrivains contemporains. Je vous donne la parole. D'abord, je vous remercie de votre invitation. Peut-être qu'il serait bien que je dise deux mots de ce personnage qui, somme toute, n'est pas très connu. Donc, ce Limonov, Édouard Limonov, est un... au fond, moi, je l'ai connu dans les années 80 en France, au début des années 80, où ce type avait publié un premier roman qui s'appelait « Le poète russe préfère les grands nègres », qui était un livre une espèce d'autobiographie, un récit autobiographique très drôle, très violent, très cru, qui pouvait faire penser à une sorte d'Henry Miller ou aussi de Jack London russe. Le type était présenté à ce moment-là comme, vous voyez, dans les années 80, on aimait bien les dissidents soviétiques. On le vendait comme un dissident. Il se laissait pas vraiment vendre comme un dissident en disant qu'il était essentiellement un voyou et que les dissidents étaient des gens vertueux qu'il méprisait un peu. On aura peut-être l'occasion de parler justement de son rapport avec Brodsky, qui alors là est vraiment un cas de vengeance littéraire intéressant. Bref, ce Limonov a raconté sa vie dans un certain nombre de récits, et on a découvert au fur et à mesure qu'il les publiait que, au fond, c'était un type qui venait c'était un prolo soviétique, qui avait été une espèce de petit voyou, et en même temps de poète, avec ce truc, vous voyez, qu'avait l'Union soviétique, qu'a de moins en moins la Russie aujourd'hui, à la fois de l'extraordinaire importance et respect dont on entoure le poète quel qu'il soit, et le fait qu'on pouvait être un poète tout en étant en ayant commencé comme ouvrier soudeur et en étant quand même un peu un petit voyou. Il a connu une espèce de petite d'or de gloire comme ça dans les années 70 à Moscou, dans un monde qui était effectivement pour beaucoup celui de la dissidence. À un moment, il est arrivé à se faire expulser d'Union soviétique, il est parti, il s'est retrouvé aux États-Unis. Aux États-Unis, où il s'imaginait qu'il allait devenir riche et célèbre, il a déchanté, il s'est retrouvé assez vite clochard. Après avoir été clochard, il s'est retrouvé valet de chambre d'un milliardaire, chose qu'il a raconté de façon extrêmement drôle dans un autre livre qui s'appelle « L'histoire de son serviteur ». Il a donc fait, dans une espèce de tradition toute plus américaine encore que russe, tous les petits métiers possibles et imaginables, en tirant le diable par la queue. Et puis, à un moment, l'un de ses livres a enfin été pris bizarrement en France, grâce à Jean-Jacques Pauvert, qui non seulement l'a publié en France, mais lui a trouvé ce titre, « Le poète russe préfère les grands nègres », qui a été une partie de son succès. Et Limonov, à ce moment-là, il a continué à écrire, est devenu une espèce de petite vedette dans le Paris littéraire français. Tout le monde le trouvait marrant, provocateur. On aimait bien que, une fois un peu saoul, il explique combien il avait aimé, combien Staline était un type formidable. Tout le monde trouvait ça assez rigolo. Et puis, jusqu'au jour où l'Union soviétique a commencé à s'effondrer, où on commençait à trouver moins rigolo que Limonov explique très très sérieusement qu'il fallait vraiment mettre Gorbatchev contre un mur et le fusiller. Ses propos devenaient de plus en plus paradoxaux, provocateurs, et à un moment il a commencé à disparaître dans les Balkans, et jusqu'au moment où un documentaire de la BBC l'a montré en train de tirer sur Sarajevo sous l'œil attendri de Radovan Karadzic. Et à partir de là, disons, la cote de Limonov dans l'Occident littéraire qui jusqu'à présent lui avait vraiment ouvert les bras, parce que voilà, c'était une espèce de voyou de charme comme on aime bien en avoir, là tout à coup, on s'est aperçu que ça commençait à verser du côté du criminel de guerre, après quoi il est rentré en Russie, où il a lancé un parti qui portait le nom engageant de Parti National Bolchevique. À partir de... Bon, il a... donc était une espèce d'agitateur. Ce parti était essentiellement composé de jeunes mecs au crâne rasé qui défilaient dans les rues de Moscou avec une espèce de salut qui était un mélange de salut hitlérien et de poings brandis, de choses comme ça. Donc, là, à partir de là, la cote que pouvait encore avoir Limonov en Occident et auprès d'assez peu de gens s'est totalement effondrée. Et c'est à cette époque que il se trouve que moi je l'avais connu un tout petit peu dans les années 80 à Paris. J'aimais bien ses livres. Je me souviens, je faisais une espèce de petite émission sur une radio libre. Je l'avais invité. Je le connaissais un peu. Je partageais l'espèce d'engouement qu'on pouvait avoir pour Limonov. Comme tout le monde, ensuite, je lui dis, quelle drôle d'histoire, drôle de trajectoire. Et puis, à un moment, revenant faire un reportage à Moscou après la mort de la grande et héroïque journaliste Anna Politkovskaya, j'ai recroisé Limonov et je me suis dit, mais qu'est-ce qui, au fond, vous savez, c'est comme si on a un peu connu quelqu'un dont on découvre ensuite, enfin, qu'il est devenu, je sais pas, qui s'est fait sauter dans un attentat ou un truc comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis, en fait, allé faire un reportage sur lui pour un magazine qui s'appelle 21, dont c'était le premier numéro, il y a 10 ans exactement. Et j'étais très intrigué, quoi, par ce. Donc, je l'ai revu, j'ai repris contact avec lui. Qui avait une mémoire tout à fait extraordinaire, c'est qu'il se rappelle non seulement tout à fait de moi, mais même de la marque de la moto que j'avais à l'époque. Et ce qui est curieux, c'est que si vous voulez, Limonov, qui peut passer pour une espèce de fasciste, ou en tout cas de ce qu'on appelait un brun rouge, pour dire une espèce de, vous voyez, de mélange de nostalgie du communisme et de fascisme, Limonov se trouvait être aussi très, très, très aimé, très apprécié dans le petit milieu des démocrates russes. Il a été mis en prison peu de temps après l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Il s'est montré en prison tout à fait héroïque, il faut bien le dire. Et donc toute cette histoire, si vous voulez, m'a paru mériter d'être raconté un peu comme une sorte de... Alors, c'est un livre à base journalistique, puisque il y a un travail d'enquête, de choses comme ça. On peut dire que c'est un personnage de roman picaresque, d'une certaine manière. Un de ces personnages, vous voyez, qui sur une longue durée, traverse le maximum de mondes, d'univers, de milieux sociaux, tout ça, propulsé par une espèce d'énergie à la fois plébéienne, alors absolument animé par un désir de vengeance absolument contre tout le monde, et en particulier contre les écrivains qui ont eu le succès qu'il estimait mérité et qui l'ont, selon lui, usurpé. Encore une fois, la grande figure là-dedans étant Joseph Brodsky. J'ai l'impression j'arrive un petit peu au bout de ma présentation du personnage de Limonov. Mais enfin, disons il a un peu sa place à la suite de ces personnages dont a commencé à parler Antoine Compagnon. C'est vraiment une espèce de bretteur littéraire. Mais enfin, c'est pas seulement un bretteur littéraire, c'est un type qui fait le coup de feu, quoi. Oui, quelques passage que je voudrais rappeler, où on voit cette... il pense qu'à bientôt 50 ans, il n'a jamais été à la guerre, que c'est une expérience qu'un homme doit faire un jour. Il dit donc oui, et c'est comme ça que de Belgrade, il y a ce premier contact avec la guerre. Oui. Et effectivement, c'est quelque chose à quoi il s'est... qu'il a découvert à 50 ans après, en avoir un peu rêvé toute sa vie. C'est quand même un garçon qui a été élevé dans une famille de sous-officiers de l'armée rouge, dans le culte, enfin le culte qui est celui des Russes, de ce qu'ils appellent de ce que nous appelons la Seconde Guerre mondiale et qu'eux appellent la Grande Guerre patriotique. Et au fond, voilà, lui, il a été élevé dans les récits là-dessus. Et du jour où il s'est retrouvé vraiment à la guerre, alors de notre point de vue véritablement du mauvais côté quand même, c'était vrai, c'est vraiment, il s'est retrouvé avec avec, je vous disais, Karadzic, Ratko Mladic, enfin vraiment des gens qui, criminels de guerre avérés. Mais ensuite, il a continué, il a essayé de s'immoler dans les... À chaque fois que, Dieu sait que dans les années 90, n'ont cessé de s'allumer des espèces d'incendies dans les décombres du communisme, en particulier, vous voyez, dans les anciens satellites de l'Union soviétique. En gros, Limonov s'est retrouvé partout, y allant à chaque fois avec, je ne sais pas, dans des endroits aussi lugubrement exotiques que la Transnistrie, des endroits comme ça. À chaque fois, Limonov, avec sa bande de crâne rasé, enfin d'espèce de punk, s'est retrouvé à chaque fois là-dedans, mais s'est retrouvé aussi, finalement, dans un rôle d'opposant indiscutablement courageux à Vladimir Poutine, ce qui fait que cette espèce de destinée paradoxale, que cet homme qui a beaucoup d'égards infréquentable, s'est retrouvé une figure très très très admirée des gens les plus nobles et courageux de Russie aujourd'hui. C'est un destin assez paradoxal. Il a toujours rebondi, mu par une très très grande énergie et par un autre. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Limonov. Je pense que c'est foncièrement un fasciste. Ça n'empêche pas que c'est un personnage très plein de charme à beaucoup d'égards, un personnage très courageux, indiscutablement, et qui. Qu'est-ce que je voulais dire encore à son sujet là? Qui ne s'est jamais retrouvé du côté du manche. C'est quelqu'un, je dirais même, le type, il a 70 ans actuellement, il est toujours pauvre, il vit toujours dans des espèces d'appartements minables, et Dieu sait qu'au fond, il aurait pu se retrouver dans une espèce de position de, vous voyez, de... On lui aurait ouvert les bras pour devenir une espèce d'écrivain à qui a une datcha et un chauffeur et un poste. Non, ça, il a jamais mangé de ce pain-là. Le type, il est toujours... c'est toujours un chien enragé, quoi. Et un desperado. Ça me paraît digne d'estime. Vous voulez pas lire cette page? Oh, ben, je ne sais pas laquelle, mais je vais bien. C'est celle d'une des plus choquantes du livre, ce sont les personnages. Ah, d'accord, ok. Alors, ça se passe à Palais. Palais était, pendant le siège de Sarajevo, l'endroit où se trouvaient les troupes et le commandement serbe. Palais était par-dessus le marché, une station de sport d'hiver, ce qui fait que c'était un peu, si vous voulez, je sais pas, comme si Vichy était un truc avec des remonts de pente, quoi. Donc, c'est aux messes des officiers. Alors, le personnage qui parle, enfin qui est ici, le point de vue, est un metteur en scène qui s'appelle Pavel Pavlikovski, qui était à ce moment-là un documentariste de la BBC, qui a fait un film dans lequel apparaît Limonov et ce qui a totalement modifié l'image de Limonov en Occident. Et il se trouve, c'est une ironie de l'histoire, c'est que Pavel Pavlikovski est le metteur en scène qui va réaliser l'adaptation de ce livre sur Limonov. Donc, c'est aux messes des officiers, à Palais, qu'il a remarqué un drôle de petit bonhomme à grosses lunettes, les cheveux en brosse, qui portait par-dessus sa veste de cuir une capote de l'armée fédérale et, sans en faire partie, semblait en très bons termes avec un groupe de tchétniks particulièrement dissuasif. Le pistolet 7.65 qui lui battait la cuisse faisait sur lui, à penser Pavel, l'effet d'un déguisement. Il l'arborait comme les touristes arborent à Tahiti le collier de fleurs offert en signe de bienvenue à la descente de l'avion. Une équipe d'Antenne 2 déjeunait. Le type, les entendant parler français, est allé vers eux. Il s'est présenté à la façon directe qui est de mise à la guerre, Édouard Limonov, écrivain, intéressé par les points chauds de la planète, présent à Vukovar en décembre, en Transnistrie en juillet. Une sorte de BHL, a-t-il ajouté avec un petit rire, mais pas tout à fait du même bord. Les gens d'Antenne 2 l'ont toisé, d'abord perplexe, puis écœuré. « Vous trouvez que quand on est journaliste, c'est normal de porter des armes ?» a demandé l'un. Un autre, carrément, l'a traité de salaud. Le Russe ne devait pas s'attendre à cette réaction, mais il ne s'est pas laissé démonter. « Je pourrais vous abattre », a-t-il dit, et désignant les tchétniks, « ça embêterait un peu mes amis, mais je pense qu'ils me couvriraient. » Laissez-moi juste vous dire que je ne suis pas un journaliste, je suis un soldat. Un groupe d'intellectuels musulmans poursuit férocement le rêve d'instaurer ici un État musulman. Les Serbes ne veulent pas de ça. Je suis moi un ami des Serbes et je vous emmerde avec votre neutralité qui n'est jamais que de la lâcheté. Bon appétit. J'ajoute le dernier paragraphe tant qu'on y est. Là-dessus, il a tourné les talons et rejoint sa tablée de tchétnik. Le repas s'est poursuivi dans un silence de mort. À la sortie du mess, son ingénieur du son a dit à Pavel qu'il savait qui c'était Limonov. Il avait lu un livre de lui, un livre formidable d'ailleurs, où il racontait ses années de vache enragée à New York et comment il se faisait enculer par des nègres. Pavel a éclaté de rire. Enculé par des nègres? Tu crois que ses copains tchétniks sont au courant? Je dois dire d'ailleurs que ce truc qu'il a raconté dans un livre autobiographique et qui est évidemment vrai, ça lui pose d'énormes problèmes avec les espèces de jeunes faffes au crâne rasé de son pays, au point d'ailleurs que quand mon livre est paru en Russie, il y a eu un long article dévastateur d'une violence extrême, écrit par un très bon écrivain russe avec qui j'avais même des rapports de camaraderie, qui s'appelle Zahar Priliepin. Et Zahar Priliepin disait que c'était vraiment un livre de désinformation dégueulasse qui disait que notre héros national était un PD. Et voilà, ça les avait beaucoup choqués. Mais vous dites, je crois que c'est à ce moment-là que vous dites dans les livres qu'après cet épisode, vous avez mis votre projet de côté pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est un peu la limite sur laquelle on pourrait aussi vous interroger, entre journalisme et littérature, puisque là, vous avez arrêté. Je me disais, c'est vrai que là, comment dire, il y avait quelque chose de... Enfin, raconter la vie de Limonov était très excitant, c'était intéressant, ça permettait de raconter en plus énormément de choses, enfin, je veux dire, sur l'Union soviétique, sur la fin de l'Union soviétique... tout ça est quand même extraordinairement intéressant, et c'était un personnage qui traversait tout ça à chaque fois dans des positions ambiguës, dans des endroits où il n'aurait pas dû être. Enfin, c'était intéressant à raconter. Et par ailleurs, le personnage a quelque chose de sympathique dans son énergie. Mais il y a quand même des moments où on se retrouve, notamment voilà, avec cet épisode en Bosnie, on se retrouve avec des trucs vraiment difficiles à avaler, où tout à coup, si vous voulez, on n'est pas devant une espèce de, comment dire, d'aventure, de charme pittoresque, mais quand même devant quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est vraiment allé jusque-là, mais disons que s'il n'était pas lui-même criminel de guerre, a quand même passé tout son temps avec des criminels de guerre et à les trouver éminemment sympathiques. Et là, je commençais à avoir du mal, moi, à le trouver éminemment sympathique. Donc, il s'est passé une assez longue interruption avant que tout de même, j'y revienne en me disant, quand même, c'est drôlement intéressant cette histoire. J'ai aussi l'impression qu'en face de lui, vous dressez un certain nombre de figures positives, et j'aimerais que vous en parliez, ces figures positives qui sont représentées par quelques correspondants de guerre idéalisés. Idéalisés, non, je ne suis pas du tout d'accord. Idéaux. Non, mais pas idéaux non plus. C'est Jean Rollin. Oui, c'est Jean Rollin et Jean Asfeld. Que j'ai invité ici il y a quelques années, que je n'ai pas réinvité cette année. Il aurait eu parfaitement sa place au programme de cette année, mais il est venu ici et donc je n'ai pas voulu le faire venir une seconde fois. Non, il se trouve que, disons, dans un certain nombre de situations dans lesquelles s'est trouvé Limonov, notamment pendant les guerres dans l'ex-Yougoslavie, il y a vraiment beaucoup de circonstances très précises où il était, notamment avec cette espèce de chef de guerre qui s'appelait Arkane, qui était vraiment un criminel de guerre doublé d'un gangster et d'une figure estimée du proxénétisme belgradois. Donc il y a un certain nombre d'endroits où s'est trouvé Limonov. Plusieurs témoins y étaient aussi, dont ces deux journalistes écrivains que sont Jean Hatzfeld et Jean Rollin, qui sont par ailleurs des gens avec qui j'ai des relations d'amitié et d'admiration pour leur travail. Donc c'était assez intéressant, dans les mêmes circonstances, de faire état des récits de Limonov et du point de vue aussi bien de Rollin que d'Hatzfeld, qui ont en plus ça de particulier... d'être pas des vertueux, je veux dire, c'est des gens qui se trouvaient là, disons, plutôt du côté des gens qui prenaient des bombes sur la gueule que du côté de ceux qui les envoyaient. Mais c'est pas, voilà, c'est l'un et l'autre sont plutôt le genre de gens, dès que quelques, disons, à monter en épingle toute situation qu'ils observent, qu'ils viendraient plutôt contredire leur position, leur point de vue. Enfin, c'est vraiment des gens qui préfèrent la vérité à leur opinion, quoi. En ce qui en fait, je trouve, de très grands journalistes, quoi. Et donc, c'est vrai que je les ai fait un peu comparaître à la barre des témoins. En citant des extraits de leurs livres, de choses comme ça, en citant des points de vue qu'ils avaient pu avoir, je dirais, sur les mêmes personnages à quelques jours près avec Limonov, quoi. Ils se sont pas véritablement croisés, mais ils étaient exactement dans les mêmes endroits et pouvaient donner un tout autre point de vue. Voilà le petit passage auquel je pensais. Je veux bien. Ni l'un ni l'autre, Jean Rollin et Jean Hatzfeld, je pense, n'aimeraient tenir dans ces pages le rôle de héros positif. Tant pis, j'admire leur courage, leur talent, et surtout, comme leur modèle, George Orwell, ils préfèrent la vérité à ce qu'ils aimeraient qu'elle soit. Pas plus que Limonov, ils ne feignent d'ignorer que la guerre est quelque chose d'excitant et qu'on n'y va pas quand on a le choix, par vertu, mais par goût. Ils aiment l'adrénaline et le ramassis cinglé qu'on rencontre sur toutes les lignes de front. Voilà ce petit passage auquel je pensais qui faisait les héros positifs. Encore une fois, je pense qu'il récuserait ce terme de héros positif. C'est vrai qu'on se retrouve assez facilement dans le rôle de héros positif quand le contrepoint, c'est Édouard Limonov. Ça, c'est sûr que c'est... je ne sais pas très bien quoi ajouter à ça. Absolument d'accord. Alors, passons au rapport avec Brodsky, puisque vous avez dit que dans le rapport avec Brodsky, il y a bien un cas de règlement de compte littéraire. Quand vous parlez de vengeance comme d'une espèce de moteur, de nerf de la guerre, de la querelle ou du duel littéraire, alors, dans le cas entre Limonov et Brodsky, ou d'ailleurs entre Limonov et Solzhenitsyn, dont Limonov dit pique-pendre, si vous voulez, de toute manière, la balance n'est pas équilibrée. Les attaques de Limonov, mettons, contre Solzhenitsyn, c'est vraiment, je ne sais pas, une espèce de petit temps qui essaye de piquer un éléphant, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose, Limonov, comparé à Solzhenitsyn ou à Brodsky. Mais, au fond, Brodsky, poète issu du milieu de la dissidence des années 60, avait peut-être entre 5 et 10 ans de plus que Limonov. Ça a été toujours son espèce de modèle ennemi. Alors, il y a un concept que j'aime beaucoup. Il raconte un truc sur son père, qui était, je vous dis, un sous-officier de l'armée rouge, un type de rang vraiment pas très élevé, qui a fait une carrière militaire assez pitoyable, il faut bien dire, il n'a pas beaucoup monté, et il disait, il y avait au-dessus de lui un type qui s'appelait le capitaine Lévitine. Et le capitaine Lévitine était, si vous voulez, cette espèce d'incarnation du type qui a toujours plus de bol que vous, qui a pas tellement plus de mérite, mais enfin, en gros, c'est toujours à lui qu'arrivent les bons trucs, c'est toujours lui qui a de l'avancement, cependant que le père Limonov, là, était là à râler, et même sa femme et ses enfants à se dire que quand même, il est un peu pitoyable et que, sans doute, c'est mieux d'être la femme et les enfants du capitaine Lévitine. Et observe Limonov, au fond, chacun dans sa vie doit avoir un capitaine Lévitine. Et le sien, ça a été Brodsky. Il a passé sa vie à envier Brodsky. Si vous voulez, pendant que Limonov, lui, devenait... il l'a retrouvé à New York, comme ça. Pendant que Limonov devenait clodo, Brodsky devenait de plus en plus important, jusqu'au moment où il a quand même eu le prix Nobel. Limonov, c'est vraiment... il a du mal à avaler, le prix Nobel de Brodsky. Et jusqu'au bout, il n'a pas cessé, jusqu'à la mort de Brodsky et après sa mort, de se comparer à son désavantage, mais d'envier Brodsky, de l'insulter, Puis alors ensuite, si vous voulez, quand il est devenu en gros guerrier et homme politique, là c'était devenu différent parce qu'il se disait, bon, bah, c'est qu'un poète et nous autres on méprise les poètes parce que maintenant on est des vrais guerriers, quoi. Est-ce que vous avez suivi, depuis la publication du livre, l'itinéraire de Limonov? Oui. Oui, bien sûr. Il y a un complément à apporter. À vrai dire, le complément n'est pas très très intéressant, ni très. Si vous voulez, bizarrement, encore une fois, Limonov et son parti sont des opposants à la politique de Vladimir Poutine, réellement très courageux, qui manifestent, alors dans des circonstances où il est interdit de manifester, où on se fait mettre en prison. Alors lui-même a été mis en prison réellement pendant 3 ans quand même, pour accuser, alors là, difficile de savoir ce qui est vrai ou faux là-dedans, mais accusé d'avoir tenté de fomenter un coup d'État au Kazakhstan. En fait, on l'a retrouvé dans une espèce de cabane dans les montagnes de l'Altaï avec 3 ou 4 mecs agités comme lui et puis une cache avec quelques armes. Certainement que fomenter un coup d'État au Kazakhstan était dans leurs intentions. Avaient-ils la moindre chance de le faire? Ça, c'est une autre affaire. Mais bon, ils ont été arrêtés. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, une grande fierté de Limonov en prison, c'est qu'on l'appelait Ben Laden. Donc, ça a été le grand moment de sa vie, quoi. Et en prison, il a vraiment été très, très courageux. En plus, si vous voulez, dans des prisons l'équivalent de quartiers de haute sécurité en Russie, c'est pas de la prison cool, hein, c'est vraiment méchant. Et il y a été vraiment, s'y est montré très courageux. Depuis, il est dans cette position d'opposant à Vladimir Poutine, et donc régulièrement, il va en prison, mais beaucoup plus brièvement, disons, après des manifestations, il se fait arrêter avec quelques-uns de ses copains, et on le met en prison 2 jours, 3 jours, puis on le relâche. Et je pense que le jour où on arrivera de le mettre en prison, il va faire une dépression nerveuse, parce que c'est quand même sa raison d'être. Son problème, c'est qu'en fait, il est opposant à Poutine, mais en réalité, il est d'accord à peu près sur tout avec Poutine. Sauf qu'il trouve que Poutine est un mou, que Poutine, au fond, il ne pense qu'à complaire à l'Occident, enfin que, disons que, il ferait la même chose que Poutine en plus, quoi. C'est-à-dire qu'il irait tout de suite récupérer l'Ukraine, enfin, et les pays baltes, enfin voilà, disons, il considère que Poutine, c'est juste un mou. Mais que c'est la bonne direction. Donc, si vous voulez, c'est une position politique, comme on dit, inaudible, quoi. Donc, la situation politique de Limonov est un peu... il est vraiment dans les choux, quoi. Et donc, il écrit un peu des espèces d'essais de géopolitique et de philosophie de l'histoire qui honnêtement, sont... c'est un peu laborieux pour moi de les lire en russe, mais enfin, c'est vraiment pas très intéressant, quoi. Donc... voilà, il a juste sinon pour s'occuper des maîtresses de plus en plus jeunes et puis toujours les 4 ou 5 mecs qui lui servent de garde du corps et qui fait que... Mais disons, là, son réel courage ne trouve pas vraiment à s'employer, quoi, là. Ni son espèce de vocation à foutre le bordel partout. Enfin, là, tout de suite, il n'y a pas vraiment de place pour ça. Et alors, j'aurais vous interrogé sur la conclusion, les plusieurs conclusions que vous proposez, ouais. Au livre. Il y a plusieurs conclusions. C'est la première qui est très frappante. Pourquoi est-ce que vous voulez écrire un livre sur moi? Ouais. Et je lis, mais c'est vous. Je suis pris de court, mais je réponds sincèrement parce qu'il a ou parce qu'il a eu, je ne me rappelle plus le temps que j'ai employé, une vie passionnante, une vie romanesque, dangereuse, une vie qui a pris le risque de se mêler à l'histoire. Et là, il dit quelque chose qui me scie, avec son petit rire sec, sans me regarder, une vie de merde, oui. Et puis vous reprenez pour une autre conclusion. Oui, je pense qu'il est sincère en disant ça, mais que... Et qu'en même temps, il doit quand même être fier de sa vie, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est que malgré tout, ce livre sur lui que j'ai écrit lui a fait très plaisir en réalité, enfin, et le fait qu'il ait eu du succès. Et il est assez malin pour se dire que c'est mieux pour lui qu'un livre comme ça soit écrit par quelqu'un qui n'est absolument pas de son bord, plutôt que s'il était écrit par un de ces jeunes mecs au crâne rasé qui l'entoure, quoi. Et en même temps, enfin, je, je dirais que j'incarne d'une certaine façon enfin, tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire vraiment l'intellectuel bourgeois, un peu, enfin, ce qui fait que d'ailleurs, enfin, mes relations ne sont pas des relations d'amitié, mais des relations quand même assez cordiales avec lui. Il m'a toujours dit, enfin, je t'aime bien, mais si j'étais au pouvoir, je commencerais par te faire fusiller, enfin, toi et les gens comme toi. Et je pense qu'il le pense très sérieusement. Le livre a été traduit en russe ? Le livre a été traduit en russe sans grand retentissement, d'ailleurs. J'en attendais beaucoup plus, j'espérais que ça allait intéresser. Et en fait, à part, je vous dis, cette espèce de compte-rendu absolument dévastateur, écrit par un écrivain pour qui j'ai beaucoup d'estime et pour qui je me suis, quant à moi, beaucoup remué en France pour le faire traduire, tout ça. À part donc ce truc... ça n'a pas fait grand bruit. Donc il y a eu un article très négatif, c'est ça ? Non, mais très négatif, encore une fois, par quelqu'un qui est un très bon écrivain, que j'ai beaucoup... Enfin, vraiment, j'ai beaucoup fait pour, autant que j'ai pu, quoi, pour sa célébrité en France. Mais ce Zakhar Prilépine a été un membre du parti national bolchevique de Limonov et reste toujours très proche de Limonov. Et donc, a trouvé que mon livre racontait des choses calomniatrices à son égard. Lorsqu'il se réfère à sa formation littéraire, il évoque, comme beaucoup d'autres, comme Vargas Llosa, quand on l'a eu ici il y a quelques semaines, Jules Verne et Alexandre Dumas. Ce sont ces deux références. Ah oui, je pense que c'est quelqu'un qui a été totalement marqué par ça, par les Trois Mousquetaires, par et qu'il se voit alternativement comme à peu près tous les quatre, quoi, qu'il y a comme Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon et l'écrivain Emmanuel Carrère, aujourd'hui du journalisme à la littérature. Alors maintenant, on peut peut-être aller vers ce sujet journalisme et littérature que vous avez proposé comme titre. Comment est-ce que on passe de l'un à l'autre ? En faisant remarquer que tous les écrivains dont je parle pour le 19e siècle, ceux qui font partie de ce combat littéraire, sont tous journalistes. Voilà, étaient tous journalistes. Alors il simplement. Y a pas de distinction. Alors simplement, il me semble. Une grande partie des auteurs dont vous parliez tout à l'heure m'étaient inconnus ou n'étaient pour moi que des noms. Et vous m'avez vraiment beaucoup donné envie d'en savoir plus. Mais la plupart, tous ceux dont vous parlez, sont des polémistes, sont des journalistes. Ils ne sont pas que des polémistes. Non, ce que je veux dire, c'est que, pour aller vite, dans le journal, il me semble qu'il y a deux familles de journalistes. Il y a ceux qui sont... dans le registre est celui ça peut être de la polémique, mais simple de l'opinion, du commentaire, de l'analyse, de la tribune. Et il y a très très grands journalistes dans ce registre, et d'autres qui sont, disons, du côté du reportage, du côté du récit, de la narration, on va voir quelque chose, on essaye de comprendre quelque chose à une situation en rencontrant des gens, en essayant de voir la complexité de ces situations, les positions contradictoires qu'on peut avoir. Il me semble que c'est deux positions différentes, si vous voulez, celle du journaliste qui va sur un terrain, qui essaye de raconter quelque chose, qui essaye autant que possible d'avoir le moins d'opinion, enfin, qui essaye d'avoir le moins d'opinion possible et laisser le maximum de réalité imprégner ce qu'il va raconter. Florence Aubenas, ici présente, étant l'exemple d'une grande journaliste qui est de ce bord-là. Alors, si vous voulez, entre les deux familles, les deux me paraissent aussi éminemment respectables l'une que l'autre, mais je pense que la plupart des auteurs dont vous parlez appartiennent à la première, c'est-à-dire sont des polémistes, des échangeurs d'arguments, des échangeurs éventuellement d'insultes, mais que, au fond, le journalisme auquel je pensais quant à moi en vous proposant cet intitulé, et dont Florence Aubenas pourra témoigner aussi, c'est vrai, c'est plutôt le journalisme de reportage. Qui apparaît et du reste, ce livre-là, Limonov, est issu d'un reportage. Au fond, j'ai commencé par faire un reportage de 20 pages, et je me suis dit, bon, j'ai envie de continuer. Et il n'y a aucune différence de ton, de style, de choses comme ça, entre le reportage et le livre. Simplement, il y en a un qui est beaucoup plus long que l'autre, quoi, et qui est beaucoup plus complet et foisonnant. Mais j'ai vraiment l'impression, au fond, de faire la même chose, quoi, qu'il n'y a pas de distinction entre, enfin, il peut y en avoir dans d'autres cas, mais entre mon travail d'écrivain écrivant ce livre Limonov et le travail de journaliste qui m'avait fait faire un reportage sur Limonov, je ne vois aucune différence. J'ai l'impression d'écrire exactement de la même façon, parce que aussi je bénéficiais de ce grand privilège que vous donne assez peu de journaux, mais de pouvoir écrire un texte long. Parce que ça c'est quand même, ça c'est vraiment important. Il faut dire, si vous avez peu de place, vous êtes contraint à écrire juste, de l'information, quoi. Vous essayez de pour faire un reportage au sens dont j'essaye de parler, il faut à la fois un peu de temps et un peu de place. On est obligé de tourner un peu autour du pot, de mettre en scène des contradictions, des complexités du réel, des choses comme ça, et on peut pas le faire dans un espace très bref. Où était le reportage initial? Où était-il publié? C'était le premier numéro, pour le premier numéro de cette revue qui s'appelle 21, qui est une revue essentiellement de grands reportages et qui a atteint ses 10 ans, là. Et qui donc offre assez aux journalistes qui collaborent la possibilité de faire des articles qui font, je ne sais pas du tout si ce mode de décompte est familier, mais enfin disons 30 ou 40 000 signes, c'est vraiment beaucoup, ça représente, je ne sais pas, 15 ou 20 pages, quoi, ou 30 pages d'un livre, quelque chose comme ça, c'est beaucoup, c'est très rare dans la presse. Mais il y a quand même dans le livre tel qu'il est là, une dimension, par exemple, de réflexivité que ne permet sans doute pas le reportage. La mise en scène de l'auteur. Oh, bon, le reportage le permet tout à fait. Le reportage le permet tout à fait. Vous l'avez fait dans le reportage en question. Je l'avais fait exactement pareil. Et de tout, il y a toute une tradition de reportage qui est, disons qu'on rattache beaucoup à ce qu'on a appelé le nouveau journalisme américain, disons incarné par des figures comme Hunter Thompson ou Tom Wolfe, des gens comme ça, qui se sont mis à écrire des reportages. Mailer a fait ça, Norman Mailer a fait ça aussi, ou John Didion, ou des gens comme ça. Enfin, il y a une tradition de journalisme de reportage littéraire aux États-Unis dont tous les grands auteurs assument totalement la subjectivité, racontent les trucs à la première personne, y compris en racontant leur saoulerie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui existe, enfin qui est vraiment une tradition du journalisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, qui se poursuit encore. Oui, j'essaye de trouver des différences entre le reportage et ce livre. Et elles sont très ténues. Hein, pour moi, c'est la longueur. Par exemple, c'est seulement la longueur. Oui, oui. Ouais. Les interventions, parce que dans le livre tel qu'il est là, il y a à la fois une très forte présence de l'auteur ou du narrateur. Enfin, ce sont des vies parallèles. À un moment, vous employez l'expression de vie parallèle. Oui. Et il y a une forte dimension de vie parallèle, hein, où régulièrement vous revenez à la confrontation avec votre expérience. Et puis il y a aussi une très forte présence du lecteur. Hein, j'en prends une. Quel sale type. pense Stephen, donc c'est le milliardaire, oui. Si mes souvenirs sont bons, qui l'emploie comme valet. Comme chambre, oui. Quel sale type pense Stephen ? Et je pense la même chose, et sans doute toi aussi, lecteur. Donc, tout le monde est là. Cependant, je pense aussi que s'il y avait eu quelque chose à faire pour sauver le petit garçon, je ne me souviens plus de quoi il s'agit, de préférence... Non, alors là, c'est typique de Limonov. Limonov est valet de chambre, donc chez un milliardaire américain. À la fois, il s'est trouvé une espèce de, un job déjà qui le fait échapper à la rue, quoi, tout simplement. Et en même temps, il est dans une espèce de truc où il n'a qu'une envie, c'est d'assassiner son patron et les amis de son patron, enfin tout simplement parce qu'il a l'impression d'une injustice absolue, que lui qui est 10 fois plus intelligent, qui a 10 fois plus de talent, 10 fois plus d'énergie, se retrouve à être le larbin de ces connards de riches, quoi, tout simplement. Et à un moment, dans le voisinage et parmi les, il y a un petit garçon qui est absolument adorable et qui est très gravement malade d'un cancer et qui va en mourir. Et donc Limonov raconte ça dans son livre et dit qu'il crève, le petit garçon, qu'il crève parce que au moins il y a un truc devant quoi les gens sont égaux, parce que sinon de toute manière ça serait devenu un jeune riche qui serait devenu un peu un vieux riche et vraiment il y en a assez sur terre. Alors que moi, qui ai une vie beaucoup plus passionnante à mener, je suis bridé par la pauvreté, tout ça. Donc, si vous voulez, un truc d'une extraordinaire violence, assez difficile à justifier, et que j'essaye, moi, de justifier un peu en disant, bon, il dit ça, mais s'il y avait eu quelque chose à faire, il l'aurait fait, parce que c'est pas un si sale type que ça. Oui, c'est un passage. Alors, je fais des efforts, je rame un peu pour le rédimer. Je lis le passage. Hein. Quel sale type. Je pense la même chose et sans doute toi aussi, lecteur. Cependant, je pense aussi que s'il y avait quelque chose à faire pour sauver le petit garçon, de préférence quelque chose de difficile ou de dangereux, le premier qui s'y serait collé et aurait jeté dans le combat toute son énergie, c'est Édouard. Oui, parce que tout de même, c'est un personnage qui est non seulement courageux, mais qui a quelque chose d'assez chevaleresque. Enfin, c'est un voyou, c'est un fasciste, ça n'est pas une crapule. Voilà, c'est tout. C'est ce que je peux dire à son vraiment à sa décharge. Il y a un certain sens de l'honneur. Ouais, ah oui, indiscutablement. C'est ça que j'entends. Des vertus, effectivement, que cultivent volontiers les gens qui ont grandi dans le culte des Trois Mousquetaires. Non, il y a aussi une autre chose qui est au crédit, je trouve, à mettre de Limonov, c'est que c'est quelqu'un qui est resté toute sa vie, et de façon peut-être puérile, mais fidèle à une espèce de rêve d'enfance, à une représentation de soi forgée dans l'enfance, qui est celle d'être un héros, d'être un aventurier, et il a mené toute sa vie en essayant d'être un héros. D'être un héros éventuellement bandit, hein, d'être un héros pas un héros vertueux, mais un héros. Et de ça, il a montré le courage, la ténacité, et effectivement des traits assez honorables à certains égards. Donc, si je vous comprends bien, nous allons dire qu'entre journalisme et littérature, en tout cas, si on pense à un livre comme celui-là, il n'y a pas d'autre différence que la longueur. Moi, je n'en vois pas, effectivement, de même que si vous voulez, si vous prenez par exemple, des grands modèles du journalisme littéraire, si vous prenez quelqu'un comme Truman Capote, qui avait... Bon, il a écrit au moins un grand roman qui relève du journalisme à la base, qui est De sang-froid, qui est un grand livre d'enquête. Mais il a écrit aussi un grand nombre d'articles, de portraits, de choses comme ça, qui ont été rassemblés dans des recueils qui sont absolument passionnants à lire, qui sont d'une exceptionnelle qualité. Et c'est écrit absolument pareil. C'est un travail. Dans ce que dans cet intitulé, il y avait aussi l'envie de rappeler que, bien sûr, pas tout le journalisme, mais que le journalisme appartient de plein droit à la littérature, si vous voulez, qu'il y a de grandes œuvres littéraires qui sont des œuvres de journalistes, si vous voulez, parmi les figures enfin récentes qu'on a connues. Il y a eu Richard Kapuscinski, il y a une figure comme... Par exemple, j'ai été très enfin, personnellement, si je peux dire, je me suis senti très heureux que on ait donné le prix Nobel à Svetlana Alexievitch, que je tiens d'abord pour un immense écrivain. Et puis, c'était bien, je trouve, de donner... Enfin, je veux dire, on a fait tout un fromage du fait qu'on l'a donné à Bob Dylan, et j'étais très content qu'on l'ait donné à Bob Dylan, mais le donner à quelqu'un qui est avant tout une journaliste, même si, je veux dire, elle a fait des grands livres, mais c'est des grands livres de journaliste, ça rappelait, je trouve, ça, que, voilà, que, qu'on peut le donner à une journaliste aussi, évidemment, qu'à un poète, ou à... Plutôt, je veux dire, qu'à simplement... croire que la littérature, c'est juste un truc, voilà, c'est les romanciers, quoi. Je pense à un autre livre de vous, pour vous interroger sur ce rapport avec le journalisme, Le Royaume. Il n'y a plus de journalisme. Et il y a pourtant le même rapport de réflexivité entre de présence et de l'auteur et du lecteur, et d'une matière... qu'il malaxe, qu'il oui, oui, oui. Alors, si ah. Je voulais être un peu paradoxal ou provocateur, je vous dirais que, disons que, d'abord, le livre Le Royaume raconte une enquête, pas véritablement journalistique, mais celle que je prête à l'évangéliste Luc, puisque, attendez, tout de même, attendez, j'ai des arguments quand même. Non, l'évangile, selon saint Luc, commence par un paragraphe. Il s'adresse à un correspondant qui s'appelle Théophile et lui dit « Cher Théophile, je sais que tu souhaites en savoir plus sur cette histoire bizarre à laquelle tu crois, enfin c'est les événements qui se sont passés parmi nous, tout ça. J'ai donc décidé de rassembler le maximum d'informations, d'interroger le maximum de gens, de manière à ce que tu puisses avoir, enfin, en gros, des informations fiables sur cette affaire qui t'intéresse. C'est-à-dire, c'est exactement un programme de journaliste, c'est un programme d'enquêteur. Et il n'y a aucune raison de ne pas croire Luc quand il nous dit qu'il a fait une enquête, et je me suis donc, quant à moi, donné pour mission d'essayer d'imaginer... pas de savoir, on ne peut pas le savoir, mais d'imaginer ce qu'a pu être cette enquête. Puisqu'il le dit, essayons de voir. Je veux dire, il a écrit vraisemblablement à un moment où il y avait encore des gens vivants qui avaient connu Jésus. Il a dû en chercher, sans doute. Ensuite, personne n'en sait rien. Mais à partir de ce programme qui est un programme à la fois d'historien et de journaliste, absolument pas un programme de prédicateur, on peut justement essayer d'imaginer l'enquête journalistique qu'il a menée. Et que j'ai à mon tour mené, si je peux dire, dans les allées, galeries et travées du Nouveau Testament. Oui, mais c'est plus du reportage. C'est plus du reportage. Donc c'est la distinction. Non, mais je suis d'accord quand même. Je ne vais pas essayer de vous. Vous retrouvez dans la position d'un enquêteur. Il y a une position d'enquête. C'est un travail d'enquêteur quand même. C'est un travail d'enquêteur et sur un travail d'enquêteur. Donc on n'est pas si éloigné quand même du journalisme. Donc vous diriez, enfin une bonne partie de votre, peut-être depuis l'adversaire, peut-être depuis ce livre. Oui, ce livre. Bon, l'adversaire est un livre que j'ai écrit à partir d'un fait divers très que j'ai lu, je crois. C'est à partir d'un fait divers très, qui a beaucoup marqué l'histoire d'un type qui a tué toute sa famille, et dans les jours qui ont suivi, on a découvert que tout ce qu'il racontait était totalement faux. Il prétendait être médecin, il ne l'était pas. Il prétendait travailler pour l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Personne ne l'y avait jamais vu. En gros, le type a passé 18 ans à prétendre être médecin alors qu'il ne l'était absolument pas. Et d'ailleurs, a déployé pour faire semblant d'être médecin toute l'énergie qu'il lui aurait fallu pour l'être pour de bon. Mais et ensuite, le jour où il a compris qu'il allait être démasqué, il a tué tout le monde. Voilà. En tout cas, ce que j'avais fait sur cette histoire, moi je me souviens, j'avais assisté au procès de ce type, il y avait tous les chroniqueurs judiciaires de France pour qui c'était une grosse, grosse affaire, enfin, qui me disaient, dans une carrière de chroniqueur judiciaire, il y en a deux ou trois comme ça au maximum, mais vraiment, c'est une grande, grande histoire. Et un peu comme, je sais pas, comme disent l'affaire Villemain, ou à la différence près qu'il n'y a pas de doute, enfin, on sait ce qui s'est passé. Donc, j'avais écrit un livre là-dessus, qui était un livre, disons, très, en tout cas, issu d'un travail d'enquête journalistique, oui. Et c'est votre premier livre qui est comme on dit, de non-fiction. De non-fiction. Et qui relève d'un ensemble, à la fois d'un matériau et d'une approche, malgré tout, journalistique. Oui. Et tout vous avez l'air troublé, non, là. Non, parce que j'avais du mal, mais peut-être que vous y arrivez, à placer un livre comme Le Royaume dans cette série. Non, mais là, c'était un petit peu ce que je vous dis. J'essaie, je le voyais... plutôt pour l'amusement d'essayer de... Vous admettez qu'il n'y a pas que de... Bien sûr. Que cette affinité du journalisme et de la littérature. J'avais envie, alors sur de toute autre chose, vous avez publié presque tous vos livres chez Paul Otchakowski-Lawrence, qui vient de mourir, oui. Et il est d'ailleurs présent dans Limonov, hein, il apparaît. Bon, c'est aussi quelqu'un que j'ai connu il y a bien longtemps. Peut-être que j'aimerais que vous en disiez un mot, puisque... Alors là, avec plaisir et avec tristesse, Il a été votre éditeur depuis... Il a été mon éditeur depuis 35 ans. Je veux dire, on a 35 ans, on a eu 35 ans de travail ensemble, d'amitié, ça a été beaucoup dit, et magnifiquement d'ailleurs. Enfin, je suis très touché, comme le sont tous les auteurs qu'il a publiés, par l'espèce de vague d'émotion qu'a suscité sa mort. Il est vrai que c'était un éditeur absolument exceptionnel, notamment par la fidélité à la fois dont il était capable et qu'il suscitait. C'est-à-dire que, d'abord, à quelques exceptions près, qui vraiment doivent pouvoir se compter sur les doigts de la main, tous les auteurs qu'il a publiés ont fait toute leur carrière d'écrivain chez lui. Et parce qu'il y avait cette espèce de chose implicite que quand il décidait de publier un livre de vous, et une fois qu'il avait, vous avait publié, ça voulait dire qu'il était disposé à publier tout ce que vous alliez écrire. Et même si on... Comment dire, c'est très emphatique d'utiliser à propos de son propre travail le mot d'œuvre. Mais... lui, c'était comme ça qu'il le voyait. C'est-à-dire qu'il publiait une œuvre. Et on se sentait, en tant qu'auteur, l'auteur d'une œuvre, ou en tout cas d'une œuvre potentielle, à partir du moment où lui la voyait comme ça. Et d'ailleurs, dans cette idée d'œuvre, justement, ça faisait qu'il était prêt à publier des livres qui lui semblaient moins aboutis, un peu bancals, un truc comme ça, parce que pour lui, le travail d'un écrivain était quelque chose qui se développait de façon organique, et qu'il se disait, mais au fond... je ne vais pas commencer à dire ça, c'est moins bien, il y a des défauts. Il était très très peu interventionniste sur les manuscrits et il disait, est-ce que vous imaginez un marchand de tableaux ou un galeriste qui dirait, tiens, tu devrais mettre un peu plus de rouge là et puis un peu moins de bleu ou des choses comme ça? Non, il disait, moi je prends comme ça. Et donc, la plupart de ces auteurs... sont restés et ne composaient en aucune façon une école ou quelque chose comme ça, il n'y avait rien de tel, mais en revanche un peu une famille. J'avais envie que nous terminions sur lui et sur cela, parce que c'est tout le contraire justement de ce thème de la guerre littéraire. Il faut l'antidote et il faut aussi souligner la dimension de réconciliation ou de paix. Du Collège de France, le 9 janvier 2018, vous venez d'écouter le séminaire d'Antoine Compagnon qui recevait l'écrivain Emmanuel Carrère, aujourd'hui du journalisme à la littérature. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série autour des chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017. Emmanuel Carrère a publié Limonov chez POL en 2011 et en folio en 2013, et l'écrivain a réuni 25 ans d'articles dans son ouvrage « Il est avantageux d'avoir où aller » chez POL en 2016. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des rapports entre littérature et journalisme avec la grande reporter Florence Aubenas. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.